Platon, le banquet. Introduction. Aristodème a rapporté à Apollodore les propos tenus dans un banquet chez Agathon. Apollodore. Je crois être assez bien préparé à satisfaire votre curiosité. L'autre jour, en effet, je venais de chez moi, à Phalère, et montais vers la ville. Quand un homme de ma connaissance, derrière moi, m'aperçut et de loin m'appela en plaisantant. « Hé !» dit-il. « L'homme de Phalère, hé, toi, Apollodore, tu ne veux pas m'attendre ?» Je fis halte et l'attendis. Il reprit. « Apollodore, je te cherchais justement tout à l'heure. Je voulais te questionner sur l'entretien d'Agathon, de Socrate, d'Alcibiade et des autres personnages qui assistèrent avec eux au banquet et savoir quel discours on y tenait sur l'amour. Un autre me l'a raconté qu'il avait appris de Phénix, le fils de Philippe. Il m'a déclaré que tu étais au courant, toi aussi. Mais lui, malheureusement, ne pouvait rien dire de précis. Aussi, je t'en prie, raconte, tu as plus de droit que personne à rapporter les discours de ton compagnon. »